La seule partie qu'ils peuvent pas avoir, c'est au niveau d'une individualité réelle. C'est le seul moyen d'échapper à ça, là. C'est de développer ça. Fait que bon, Mais même encore là, c'est on ne un peut pas peu. le développer dans le sens que la fusion, ce n'est pas l'individu qui le décide, mais s'il a à le vivre, c'est l'énergie qui le traverse. Ben, ça peut et tout être. Des fois, ça a presque l'air accidentel. Puis là, j'appuie sur presque. À un moment donné, tu le sais, tu t'aperçois que tu as des menottes, puis tu le savais pas. Là, tu te mets à chercher la clé. C'est le début de quelque chose. Mais tu es loin de te douter que c'est toi la clé. Parce que c'est toi les menottes. C'est ta fausse identité. Mais. Tu sais, c'est un peu comme j'en vois du monde et bon, ça va pas, puis tout, puis ils consultent des psychologues, puis. Le psychologue, pourquoi il y aurait la clé de tes menottes? C'est pas. C'est vraiment illusoire. Il y en a une dame que je connais. Là, elle s'est fait prescrire de quoi? Mais ça ne sera pas un Elle. psychologue parce que le psychologue, il peut pas faire de Oh, c'est un prescription psychiatre. médicale. Ben c'est ça. Le psychiatre va prescrire la Ça a commencé médication. par le psychologue. Puis après, ça a été le psychiatre. Ben probablement qu'elle a essayé la voie de la thérapie. Ça donnait pas de résultat. Fait qu'à défaut, par exemple, de régler un problème si la personne est dépressive, comme la personne ne peut pas s'autogérer ou être éduquée en ce sens-là, ben tu donnes la médication pour geler le mal. Ben, la thérapie qui marche pas, c'est la carotte pour t'amener vers le fait qu'on va te faire consentir à que c'est neurochimique, c'est biochimique dans ton cerveau. Parce que le but des écoles qui enseignent des thérapies qui marchent pas, puis qui ont une vision du psychisme humain qui est erronée tant qu'à moi, le but c'est de t'amener à ça. Ben, là, tu prêtes des attentions. Il y aurait quand même des nuances à Non, ils ne apporter. savent pas. Penses-tu que le psychologue, il sait que c'est ça qu'il fait? Il sait pas. Penses-tu que le psychiatre, il sait qu'il est là pour ça? Il sait pas. C'est-à-dire, ces gens-là ont peut-être pas une C'est pas conscience eux autres qui ont créé. multidimensionnelle. Mais je veux dire, il y a Ils n'ont quand pas créé le même. système. Ils ont été formés par lui. Oui, mais en même temps, je veux dire, au niveau empirique. Il y a quand même des approches thérapeutiques, on va dire, qui ont des résultats probants, dans le sens que, par exemple, réduire les symptômes de la dépression, si, par exemple, quelqu'un fait de la méditation ou pas. Mais je veux dire, il y a eu Ben, certains t'en des. connais-tu des psychiatres qui parlent de méditation pleine conscience? Y en es-tu courant? Puis même là, on va te donner un outil qui atténue. On ne te donnera pas la clé du pourquoi. Oui, mais en même temps, je te donne un exemple concret. Quelqu'un va pratiquer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Par exemple, inspirer pendant 5 secondes, expirer. Il y a des applications, des téléphones intelligents aujourd'hui sur ordinateur que la personne voit une boule qui monte puis qui descend. Elle synchronise là-dessus. Ça amène une plus grande régularité du rythme cardiaque. Ça calme. Bon, bien, si la personne fait cet exercice-là pendant 5 minutes ou une demi-heure, puis au lieu de prendre des antidépresseurs ou de la médication, elle se régule avec ça. Bon, ben, elle n'a pas les effets secondaires d'utilisation de produits chimiques, puis elle n'en souffre pas. C'est comme le moindre Non. mal. Ouais, mais c'est ça, c'est un moindre mal. Je dis pas que c'est parfait. On avait déjà un discours ensemble par rapport aux thérapies. C'est sûr qu'il y a des limites par rapport à ça. Mais moi, la façon que je vois les choses, c'est tout le temps regarder la capacité d'absorption de la personne, dans le sens que si la personne n'est pas prête à avoir une vision multidimensionnelle ou à composer avec des réalités occultes qui seraient insoutenables pour elle, bon, ben lui proposer de pratiquer la cohérence cardiaque au lieu qu'elle soit un abonné à médication à vie parce qu'elle n'est pas capable de gérer son anxiété ou sa psyché, Ben m'apparaît comme oui. étant le moindre mal. C'est sûr que si tu peux pas sortir de la prison, ça devient utile, les techniques pour apprendre à mieux tolérer, Le fait ton d'être en séjour. prison. C'est ça. C'est pour ça que je dis, moi je prête pas d'intention, de mauvaises intentions, de malhonnêteté. Les gens, ils ont été formés par un système. C'est pas eux autres qui l'ont créé. Mais on est dans un système qui est lié à des jeux de pouvoir, puis à des. Donc, C'est sûr que c'est limité parce que c'est voulu comme ça. Ça veut pas dire que les psychologues et les psychiatres, si c'est limité leur affaire, c'est parce que c'est voulu par eux. De toute façon, c'est voulu comme ça. Ben, moi, Puis. je rajouterais que c'est même voulu par les plans de la lumière, parce que quelque part, c'est eux autres qui ont créé l'homme imparfait. Donc, si l'homme être humain n'est pas capable de contenir sa multidimensionnalité, puis eux autres ne fusionnent pas avec des individus parce qu'ils sont pas capables de supporter une trop grande dose de conscience, mais ben, c'est sûr que les gens vont se ramasser avec des béquilles. Moi, je dirais même s'il n'est pas capable de supporter une dose de la souffrance, puis de la convertir en conscience. Oui. Mais on est dans un espace-temps. Donc, ça ne peut pas arriver d'une shot. Donc, on est dans un processus. C'était le monde des processus, l'espace-temps. Fait que, bon. Là, c'est sûr que c'est un peu comme. Une larve d'abeille, elle ne peut pas défendre la ruche. Faut attendre. C'est progressif. Faut qu'elle soit un bout de temps dans son alvéole. C'est pareil dans toutes. Puis là, c'est là que t'as d'autres abeilles sont mandatées de nourrir les larves. Mais l'abeille qui réalise tout ça, la transmute, puis ça devient une reine, puis ça s'en va.